La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler avec notre ami, on y a parlé dans le temps des fêtes en compagnie de Pascal Jobin, mais on l'entendait à RDS, si vous suivez la série des Raptors à RDS, il intervient régulièrement, c'est Charles Dubé-Bray, un Québécois qui évolue dans l'organisation des Raptors de Toronto. Question de savoir un peu comment lui voit la finale, c'est quoi son rôle maintenant, parce que les Raptors 905 sont éliminés, Chris Boucher qui a reconnu une saison extraordinaire, on va lui parler de tout ça. On va parler avec Charles Dubé-Bray. Salut Charles. Salut, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Charles, comment ça s'est terminé les Raptors de 905? C'est sûr, j'ai moins suivi ça un petit peu. Il y a tellement de hockey, les séries éliminatoires, il y a le basket, le baseball. Comment ça s'est terminé? On a perdu en deuxième ronde des playoffs. On a gagné contre le Drive de Grand Rapids, la filiale des Pistons de Détroit, en première ronde. Et puis ensuite, on a perdu contre les Nets de Long Island sur la deuxième ronde de série, qui, eux, se sont rendus en finale, qui ont perdu contre Rio Grande Valley. OK. Donc, est-ce que c'est une année quand même satisfaisante pour les Raptors? Puisque l'autre année, vous aviez gagné avec Jerry Stackhouse, je pense. Mm-hmm. Fait qu'est-ce que c'est quand même, on peut qualifier quand même une année quand même assez positive? Oui, c'est super positif. Déjà, c'est une ligue où c'est quand même assez dur de faire les playoffs. Ouais. Il y a seulement 12 qualifiés sur 27 équipes, donc c'est même pas 50% des équipes qui sont en playoffs. Donc, pour les Raptors 905, c'est la troisième année de suite en playoffs, ce qui est déjà un bel accomplissement. Bon, après les playoffs, ça se joue sur un match depuis 2 ans, à part la finale. Donc, je veux dire, tu peux gagner, tu peux perdre à chaque ronde. Même en première ronde, nous, on a gagné en prolongation un match hyper serré contre Grand Rapids, qui aurait pu être une défaite aussi. Il y a un côté aléatoire du fait que c'est un match, puis aussi parce que les équipes changent beaucoup en cours de saison, étant donné le va-et-vient des joueurs avec la NBA, avec les contrats de 10 jours, avec les améliorations que différentes équipes font aussi, fait que il y a un côté que tu contrôles pas toujours le line-up que toi tu vas avoir, même chose pour l'adversaire que tu as de match en match, donc d'arriver à être constant, puis de gagner beaucoup de matchs année après année, ça c'est un bel accomplissement, puis de pouvoir tout gagner comme les Raptors ont fait il y a 2 ans, ça dépend aussi de ton circonstances, d'avoir un peu de chance aussi qui est de ton côté, pas trop de blessures. Puis on en a eu, je pense, un petit peu moins cette année que par le passé, mais c'est quand même vraiment une très, très bonne saison qu'on a eue. OK. Dis-moi, maintenant que les Raptors 905 sont éliminés, on te voit à RDS régulièrement, je vais quand même te demander, c'est quoi ton rôle maintenant? J'imagine que tu as un rôle pareil avec les Raptors, même si l'équipe est éliminée, tu es encore dans l'organisation. C'est quoi le rôle de Charles Dubé-Bray maintenant? C'est sûr que le rôle est moins grand. On a un peu de temps de repos parce que la saison est vraiment un sprint très, très intense où ouais. Tu dors pas beaucoup, où t'es tellement sollicité. Donc, ça fait du bien un peu à tout le monde d'avoir un peu de temps où c'est un peu plus relax. On n'a pas trop de trucs sur le terrain pour l'instant. La semaine prochaine, on va commencer les workouts pour le draft du mois de juin. Donc, justement, il y a beaucoup de prospects de la NCAA là, en vue du repêchage que toutes les équipes NBA vont mettre à l'essai. Donc, les Raptors, c'est comme toutes les autres équipes. On va faire ces workouts-là avec les joueurs. Moi, je vais faire partie du staff qui va contribuer au workout. Je suis à tous les matchs des Raptors à domicile. Je transfère mes opinions au coaching staff pour en espérant que tout le monde est sur la même longueur d'onde, puis que si jamais il y a une petite idée qui peut se rendre jusqu'en haut, tant mieux. Hein. L'objectif, c'est que les Raptors se rendent le plus loin possible en playoff, donc on essaie de contribuer du mieux qu'on peut. OK. Donc, t'es pas vraiment jusqu'à maintenant, à part d'avoir quelques observations, c'est là, t'es pas le personnel d'entraîneur actuellement, là. On peut pas dire. Non, moi, de toute façon, mon contrat est avec les Raptors 905. OK. Qui est une grande, je veux dire, ça fait partie de la famille des Raptors, mais je veux dire, il y a quand même déjà plus d'une dizaine de coachs avec les Raptors aussi, donc l'objectif, c'est pas de se ramasser soudainement à 22 coachs pendant les playoffs. Okay. C'est un c'est un territoire qui est un peu sacré aussi, là, les playoffs dans le sport professionnel. Je veux dire, les équipes aiment bien être en situation presque de retraite fermée, puis vraiment créer une espèce de bulle autour de l'équipe pour laisser les distractions de côté. Donc, je veux dire, que ce soit les Raptors ou ailleurs, c'est pas au moment des playoffs que soudainement bon, on va faire jumper 4-5 nouveaux coachs sur le staff parce que eux ont terminé leur saison avec la G League. Donc on est les bienvenus, autour de l'équipe, mais pas à l'intérieur directement. Mais tu dois apprendre quand même, à quelque part, là, dans une série comme ça, là, où un entraîneur doit... tu sais, la préparation est différente en série, la routine est différente. Ça doit quand même si tu n'es pas impliqué directement avec les Raptors de Toronto, le fait que tu es autour de l'équipe, ça doit te rendre un meilleur coach pareil. Oui, il y a une bonne partie de mon travail en ce moment, c'est vraiment d'analyser les matchs comme si je les coachais aussi. Donc, forcément, coacher une série de playoffs puis coacher une saison, ça n'a rien à voir parce qu'une saison, c'est 82 matchs contre 29 adversaires différents. Mmh. Donc d'avoir du succès en saison, c'est d'être capable de soir en soir, de maintenir disons, une espèce de d'identité qui fait en sorte que tu vas battre la plupart des équipes et que les victoires vont s'accumuler et tout ça. Après une série de playoffs, c'est un seul adversaire pendant 4 à 7 matchs. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines équipes qui des fois, on va dire, c'est des mauvais match-up en playoffs. On pense à une équipe peut-être comme Utah dans l'Ouest qui est beaucoup meilleure que ce qu'ils ont démontré en première ronde contre Houston, mais Houston est un très mauvais match-up pour eux. Donc leur succès de saison peut difficilement se traduire par du succès en playoff quand ils affrontent une équipe justement qui est peut-être un peu moins bien, qui a un style un peu qui est pas favorable. Donc eux, ça leur est arrivé. Puis l'objectif, c'est ça, c'est que bon, nous, au premier tour, on avait un adversaire qui était le Magic d'Orlando, qui est pas nécessairement une énorme puissance offensive, mais qui a été la meilleure défense de la NBA depuis le 1er février, donc qui nous posait des problèmes avec leur justement la taille, la longueur des joueurs qu'ils ont surtout sur le périmètre. Donc il y avait des ajustements à faire par rapport à ça. On a perdu le match 1, on a ajusté certaines choses, ça nous a permis de gagner 4 matchs de suite. Maintenant contre Philadelphie, on a eu le dessus de manière assez convaincante dans le premier match. Eux ont fait des très bons ajustements au deuxième match, ils ont réussi à le prendre. Puis maintenant, ça va être justement de continuer à jouer ce jeu d'échecs là avec eux pour nous faire des meilleurs ajustements puis être capable de gagner. Donc, pour moi, comme coach, c'est une belle opportunité de vraiment focaliser dans le détail sur bon, qu'est-ce que eux ont fait comme ajustement, qu'est-ce que nous on doit faire comme ajustement, puis qu'est-ce que je ferais si c'était moi qui étais à la place de Nick Nurse ou à la place d'un des assistants de première rangée du banc des Raptors. Donc c'est une belle opportunité pour moi. OK. Dans le premier match, j'avais complètement dominé les Raptors, les 76ers. Vous aviez, Kawhi et Pascal Siakam ont été dominants. Dans le deuxième match, c'était une première demi affreuse. C'est ça qui a fait en sorte. Le deuxième demi, ça a été beaucoup mieux. Par contre, comment on voit la fin de la série? À Philadelphie, c'est pas facile. C'est une foule partisane. C'est une foule assez hostile également. On le sait que ça va. Moi, j'ai mis les Raptors en 7. Est-ce que c'est comme ça qu'on voit ça aussi? Dès le départ, on voit que c'est très difficile. Il reste 8 équipes en vie sur les 30 de l'NBA, puis toutes les équipes-là ont une très grosse qualité, puis on savait dans l'Est... depuis le début de la saison, tout le monde était au courant que, je veux dire, que ce soit les Celtics, les Raptors, les Sixers, c'était un gros top 3, puis on comptait que Milwaukee, s'ils se développaient bien, allaient joindre ce groupe-là, ce qu'ils ont fait encore mieux que ce que tout le monde s'attendait à voir. Donc tu avais vraiment un gros top 4 qui s'est installé, voire même un petit peu top 5 avec Indiana, mais Oladipo s'est blessé, mais le top 4 est resté pratiquement intact, puis ça fait en sorte que quand tu arrives en deuxième ronde des séries, c'est ces équipes-là, donc les équipes qui étaient juste contentes de participer aux séries comme Orlando, comme les Nets, comme les Pistons, ces équipes-là, elles ont plus leur place. Puis là, tu joues vraiment des grosses équipes avec, Philadelphie. Il y a presque 4 All-Stars dans cette équipe-là. Il y a juste Harris est pas loin d'en être un. Puis les 3 autres sont déjà confirmés. Donc, on sait que ça va être dur. Donc, c'est pas parce que oui, forcément, on a fait un très bon match sur le match 1, ça voulait pas dire que soudainement, on va être champion NBA dans 6 semaines. Je pense que les bons coaching staff sont capables de tenir un discours à leurs équipes que faut pas monter trop haut, puis faut pas descendre trop bas non plus. On n'est pas devenu champion NBA parce que on a fait un super match 1, puis on n'est pas devenu la moins bonne équipe du monde parce qu'on a fait une mauvaise première demi dans le match 2. C'est une série qui va être serrée de toute façon. Là, il faut s'organiser pour gagner au moins un des deux matchs à Philadelphie. Idéalement, le match 3, comme ça, on peut se mettre dans une position de contrôle puis d'être en avant dans la série. Mais c'est sûr que ces équipes-là ont des profils de séries qui vont être longues plutôt que quelque chose qui va être expéditif. Puis, soudainement, parce qu'on a fait un bon match 1, c'est les Raptors en 4. Donc, on savait que ça allait être dur. Ils ont fait des très, très bons ajustements aussi qui nous ont vraiment compliqué la tâche en première demi. Puis, je pense qu'on a très bien répondu après ça. Mais le déficit de 19 points était quand même assez grand à combler. À nous d'être capables de montrer qu'on s'est ajusté puis de répondre fort dans le match 3 maintenant. Est-ce que vous sentez l'urgence? C'est sûr que t'es pas directement dans l'administration des personnels d'entraîneurs des Raptors, mais par contre, il y a quand même un sentiment d'urgence à Toronto. Kawhi va être joueur autonome. Mark Gasol, il reste un an à son contrat. Par contre, il vieillit. Mais tout a été mis sur Kawhi sur cette année-là. Est-ce que tu sens un sentiment d'urgence dans le personnel de direction si des Raptors? C'est cette année ou pas pantout? Ça passe encore cette année. Ouais, ben c'est un petit peu drastique de le dire comme ça. C'est sûr que oui, il y a un enjeu énorme avec le côté agent libre de Kawhi cet été. Forcément, il y a certains des joueurs qui sont un peu plus vieux. Après, les Raptors ont aussi, dans les dernières années, accumulé du talent au niveau des jeunes joueurs, Siakam étant le fer de lance de ça. Mais je pense à un joueur aussi comme OG Anunoby, qui a eu une saison un peu plus difficile, mais ça reste à un joueur de 21 ans qui a été très efficace sur le 5 de départ des Raptors à son année recrue. Des joueurs comme Fred VanVleet, des joueurs comme Norman Powell, qu'on a sur le banc. Donc, il y a quand même un noyau de jeunes joueurs intéressants à Toronto. L'équipe ancienne, je dirais, basée autour de DeMar DeRozan, puis Kyle Lowry, puis Jonas Valanciunas, cette équipe-là, éventuellement, il fallait pivoter à partir de cette équipe-là parce que tu peux pas continuer ad vitam aeternam à faire jouer juste DeMar, Kyle, puis espérer que tu vas avoir un résultat différent en série. Donc, je pense que le fait de miser sur cette année, oui, c'était une chose, mais pivoter à partir de cette équipe-là qu'ils avaient avant, faire la nouvelle génération des Raptors, c'était quelque chose qui s'en venait de toute façon. Donc, en ayant l'opportunité de prendre un des 5-6 meilleurs joueurs de la NBA en Kawhi Leonard, puis d'ajouter un vétéran comme Mark Gasol, qui a deux finales olympiques derrière la cravate, tu sais, qui a quand même fait une grande carrière, plusieurs longues runs de playoffs avec les Grizzlies, ça te permet de dire, OK, on y va en termes de poker, on y va all-in cette année, mais on est quand même confiant que la transition vers le futur des Raptors va bien se faire, même si on y va en ligne. Donc, on fait un peu les deux. Donc, ça rajoute, oui, un petit peu de pression parce que tu te dis, OK, peut-être pour gagner un championnat, c'est cette année qu'on a une grosse chance, mais il y a une chance aussi que Kawhi reste. Puis si Kawhi reste, ben, peut-être une chance l'an prochain, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans aussi. Donc, c'est pas non plus tout sur cette année, même s'il y a quand même une volonté d'aller plus loin qu'on n'a jamais été, c'est-à-dire au moins être en finale NBA. OK. Il me reste deux questions, Charles. Ton contrat, est-ce qu'avec les Raptors 905, est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'était rien qu'un an ou c'était renégocié ou t'es sûr que tu vas être de retour l'an prochain? Ben, les Raptors m'ont fait savoir leur volonté que je sois de retour l'année prochaine. Donc, à moins de circonstances très surprises, je vais être de retour avec les Raptors l'an prochain. Chris Boucher. Je pense qu'il a connu toute une saison. Je pense qu'il a joué 48 matchs puis il a été nommé joueur de l'année dans le J-League. Quelque chose comme ça, là. Tu m'excuseras, c'est à peu près ça, hein? Puis, il a joué moins de matchs que ça. Il a joué 28 sur les 50. OK, c'était la moitié. C'est tout un joueur. Je veux dire, pour la J-League, là, il est mieux. Il est maintenant prêt pour la. Il a amélioré sa force physique, hein? C'était ça, son point faible. C'était ça le gros point d'interrogation. Où tu le vois que se boucher? Tu le vois-tu éventuellement dans un 5 partant ou encore il va être c'est un bon joueur de banc? Parce que le banc est important. C'est une étape à la fois, je pense, pour lui. La première étape, c'est de réussir à rentrer sur... si tu prends ça en termes de peut-être... au hockey, on parlerait de premier trio, deuxième trio, troisième trio. En basket, on parle de différentes unités ou le fameux depth chart en football américain, tu sais, le corps arrière numéro 1, numéro 2, numéro 3, puis d'avoir un ordre à chaque position. Mais je dirais qu'en NBA, t'as un peu l'unité 1, l'unité 2, l'unité 3. T'as ton 5 de départ, t'as les 5 joueurs qui les back-up, puis t'as probablement 15 joueurs en tout dans ton équipe, donc un troisième joueur à chaque poste. Disons que lui, il a fait le travail pour se retrouver sur sur une troisième unité NBA, c'est ce qui était avec nous cette année, avec les Raptors. Donc ça, je pense qu'il a prouvé qu'il était à ce niveau-là. Maintenant, la prochaine étape pour lui, c'est de devenir un vrai joueur de banc de rotation qui joue entre 10 et 20 minutes par match au sein d'une équipe de la NBA. Donc l'année prochaine, je pense, va être très importante pour lui parce que la première étape, c'était d'avoir un contrat garanti à NBA, ce qui a été le cas. Donc vraiment ça, moi, je suis hyper content pour lui parce que c'était l'étape numéro un. Mais maintenant, c'est à lui de prouver qu'il peut être constant contre justement des joueurs de niveau un petit peu supérieur à NBA, des joueurs qui justement, eux, jouent en 10 et 20 minutes par match. Parce que quand tu joues 3, 4, 5 minutes à la fin des matchs, ben dans des matchs dont l'issue est déjà réglée la plupart du temps, on peut pas nécessairement savoir quelle serait ta valeur si tu avais un rôle peut-être plus important. Donc, il l'a eu quelques fois cette année. Je trouve qu'il a bien répondu dans ces circonstances-là, mais tout est la constance que tu peux démontrer à NBA. Donc, s'il est constant dans un rôle un peu plus important, des fois profiter d'une blessure à quelqu'un, un joueur qui est out pendant un mois, fait que soudainement, au lieu d'être le 11e, 12e sur l'équipe, ben, il se retrouve peut-être 10e. Donc, ça lui permet de jouer ses 12, 14 minutes à tous les matchs, de jouer au deuxième quart, de jouer plus tôt dans le match aussi, puis de prouver certaines choses, ben, ça va lui faire franchir le prochain cap. Okay. Charles, si tu permets, on va peut-être, si les Raptors se rendent loin, on va peut-être se reparler si tu le veux bien. Mm-hmm. Il n'y a pas de problème. OK, donc Charles Dubé-Bred, entraîneur adjoint des Raptors, et il fait partie de l'organisation des Raptors de Toronto.